aventure bizarre. Comme le train quittait la gare, il a fondu dans le couloir. Et le front contre la portière, il regardait fuir la lumière de Paris mourant dans le soir. Un train dans la nuit vous emporte, derrière toi des amours mortes, mais l'on voudrait t'aimer encore. La banlieue triste qui s'ennuie, des filets mornes sous la pluie, il regardait toujours dehors. Le train roulait dans la nuit sombre, l'homme déjà n'était qu'une ombre, et d'être seul avait froid. Il a parlé, qu'a-t-il pu dire? Je ne revois que son sourire. Quand il vint s'asseoir près de moi, un train dans la nuit vous emporte, derrière toi des amours mortes, et dans le cœur un vague ennui. Alors sa main a pris la mienne, et j'avais peur que le jour vienne. J'étais si bien tout contre lui. Lorsque je me suis éveillée, dans une gare ensoleillée, l'inconnu sautait sur le quai. Alors des hommes l'entourèrent, et tête basse, ils l'emmenèrent, tandis que le train repartait. J'ai regardé par la portière, comme en un geste de prière, l'homme vers moi tendait les mains. Le soleil redoublait ma peine, et faisait miroiter des chaînes. C'était peut-être un assassin.